Ah, dans le jeûne, afin de décerner ceux qui sont véridiques de ceux qui sont menteurs. Al-Ibtila, mes proches, chers frères et chers sœurs, c'est une voie empruntée par tout le monde, y compris les prophètes et les messagers. L'exemple de Nuh alayhi salam avec son peuple, de Ibrahim alayhi salam qu'on a voulu brûler dans le feu, le cas d'Ismaïl alayhi salam que son père devait sacrifier, le cas de Youssef alayhi salam vendu dans les stores, dans les marchés comme un esclave, le cas de Yaakov qui a perdu la vue à travers les pleurs. Le cas d'Ayoub, alayhi salatu wa salam, qui a été éprouvé par la maladie. Le cas de notre prophète, le bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, qui a été blessé au niveau de ses pieds quand il a fait sa première hijra au Taif. D'ailleurs, dans le hadith, le prophète, alayhi salatu wa salam, nous rappelait que les gens qui seront le plus éprouvés, c'est les prophètes. C'est le prophète en premier, viendra en deuxième position les pieux, et puis son âge d'appuyer, puis son sera éprouvé. Ibad Allah. Wa qad qada Allah azza wa jalla bi fadlihi wa mannihi wa ilmihi jalla wa ala wa hikmatihi anna al-usra yatba'uhu yusra. Na'am inna al-shada'id wa al-balaya مهما تحاظمت وامتدت فإنها لا تدوم، لا تدوم على صاحبها، بل إنها عندما تشتد وتظلم وتطول فإن هذا دليل على قرب زوالها وانفراجها، فيأتي العون من الله جل وعلا والإحسان عند ذروة الشدة والانتحال، وهكذا نهاية كل ليل غاسق فجر صادق. عباد الله، الله سبحانه وتعالى فاق تصجر يستطلق ويوم يغطيه كسويت الشك ديفكيلتي اللي يستطلق المؤمن فاسبيتي إبليس. L'individu est éprouvé par Allah Azza wa Jal, plus la facilité est proche. Car l'épreuve ne peut demeurer éternellement. Et à chaque fois que l'épreuve s'accentue, c'est une manière, une façon de se rappeler que la facilité et que la solution arrivera bi-idhnillah Azza wa Jal bientôt. عباد الله الابتلاء سنة من سنن الله عز وجل يبتلي الله عز وجل عبده بل يبتليه لعدة أمور بل لعدة فوائد ومصالح لهذا العبد المبتلى وإن كان لا يشعر به لقبل فالله عز وجل بينيفيسي de cette épreuve. L'épreuve en soi, c'est une loi parmi les lois d'Allah Azza wa Jal, à travers lesquelles il éprouve ses serviteurs. Mais celui qui subit cette épreuve, il tirera profit de l'ensemble de ses épreuves, même s'il ne la ressent pas, même s'il n'est pas conscient. Mais à travers l'épreuve, on ne peut que tirer des bénéfices. Awwal hadhihi al-umur التي يستفيدها المبتلى الرفعة في الدنيا والرفعة في الآخرة، فإن المبتلين أعظم الناس رفعة حيث يكونون، لأنه مبتلى في طريق الحق، فإن صبر واحتسب رفع الله عز وجل ذكرهم في الدنيا وفي الآخرة. المبتلى إذا احتسب أمره عند الله عز وجل رفع الله من شأنه في الدنيا قبل أن يرفع من شأنه في الآخرة. La première des choses à travers laquelle on tire profit de cette épreuve, c'est que l'éprouvé, qu'importe l'épreuve, et peu importe la durée, l'éprouvé, il bénéficiera auprès d'Allah Azza wa Jal d'une élévation dans la vie de ce bas-monde et dans l'au-delà. On va se moquer de lui. On va le maltraiter dans la vie de ce bas-monde. Regardons le cas de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, il n'y a pas un nom plus évoqué, plus cité, plus aimé que celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il était à un moment donné celui qui était le plus détesté, le plus condamné, le plus blâmable. Et à un moment ou à un autre, Allah Azza wa Jal accorde l'élévation à ceux qui ont été éprouvés, mais à ceux qui étaient éprouvés dans sa voie. Al-amru al-thani, al-tarbiya. الإنسان ليتربى من خلال الابتلاء فإن الله عز وجل يربي بذلك القلوب حتى تخلص لله جل وعلا وحتى تصدق مع الله عز وجل حتى يعلم الصادق من الكاذب وحتى يعلم المخلص لله عز وجل من المرائي لا بد من ابتلاء Allah Azza wa Jal, il dit que nos nefs, il dit que nos âmes, pour qu'ils soient sincères à Allah Azza wa Jal, dans ses actes, pour qu'ils soient sincères avec Allah Azza wa Jal, pour qu'ils soient véridiques avec Allah Azza wa Jal, et puisse y éprouver, puisse rappelle-toi que c'est un moyen pour détecter ta sincérité. Jusqu'à quel point tu seras sincère. Et jusqu'à quel point tu seras véridique avec Allah Azza wa Jal. Al-Masalatu al-Thalitha, tahqiq al-ubudiyyati al-haqqa lillahi jalla wa ala. Fa inna kathiran min al-nas, idha ibtuli, sa'im, wa zajar, wa saqib, wa nakasa ala aqibayhi, wa irtabata bil-asbab, wa nasiya al-musabbib subhanah. نكت على عقبيه فخسر الدنيا والآخرة ولذلك هو الخسران الكبير. Troisième fruit, c'est pour rappeler notre servitude à Allah Azza wa Jal. Sont nombreux ceux quand ils sont éprouvés par Allah Azza wa Jal, ils vont perdre patience. Ou ils vont perdre patience. Ils vont perdre patience et ils vont finir par se dévier du droit chemin. Ils vont finir par s'accrocher à des futilités de la vie du second monde en pensant qu'ils vont trouver la solution auprès de ces choses-là. Ils vont oublier Allah Azza wa Jal. Ils vont oublier de se rapprocher de lui. Donc l'épreuve nous amène à concrétiser notre servitude auprès d'Allah Azza wa Jal. Soit tu seras ferme dans ton adoration à Allah Azza wa Jal et dans ta foi à Allah Azza wa Jal, soit tu perdras cette foi et petit à petit tu commenceras à t'éloigner de la miséricorde et de la clémence d'Allah Azza wa Jal. كذلك أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات من فوائد الابتلاء الأجر والثواب عند الله جل وعلا. وهو الذي لا تضيع عنده الودائع إذا ضاعت عند الناس وهو الذي لا يخسر من يعامله بل يستفيد وهو الذي لا يهزم من يتولاه بل ينتصر فالزم يديك بحبل الله معتصما فإن الركن إن خانتك فإنه الركن إن خانتك أركانه. La quatrième chose qu'on peut tirer comme fruit à travers l'épreuve, c'est la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala s'est engagé de nous accorder des meilleures récompenses auprès de lui le jour de la résurrection. Toute personne éprouvée dans la vie de ce bas monde et qui fera preuve de patience et de satisfaction d'être éprouvée par Allah Azza wa Jal trouvera les meilleures récompenses auprès d'Allah Azza wa Jal le jour de la rédaction. معاشر الكرام وإما يخفف الابتلاء كما ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أن تؤمن بالقضاء والقدر. هذا الصحابي عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال لابنه لما حضرته الوفاة، ابنه كان يحتضر على فراش الموت، فقال يا بني عليك بالقضاء والقدر، فوالذي نفسي بيده إن لم تؤمن بالقضاء والقدر لا ينفعك عملك أبدا، إن لم تؤمن بالقضاء والقدر لا ينفعك عملك أبدا. وفي الحديث الصحيح واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لذلك فإن أول ما يخفف الابتلاء والمصيبة قضية الإيمان بالقضاء والقدر. نعم عباد الله، بارك الله فيكم، تزاحم وتراحم لفاشلاتون سيري مبارك الله فيكم. Parmi les choses qui affaiblit les épreuves, c'est, comme disait l'imam al-Qayyim rahmatullah alayh, c'est avoir la foi dans le destin et dans la prédiction. Dans son bien et dans son mal. Avoir cette foi. Ubad al-Dusami, un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, alors que son fils était en train d'agoniser, il est rentré auprès de lui et lui a dit: oh mon fils, il va falloir croire, il va falloir avoir la foi au destin, dans son bien et dans son mal. Sinon, il dit par Allah Azza wa Jal, si tu ne prêtes pas pour cela, tes actes ne seront d'aucune utilité auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est la raison pour laquelle il va falloir se rappeler le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, quand il s'adresse à Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, sache que les choses qui te frappent dans la vie de ce monde, s'il te frappe, c'est par décret, par destinée de la part d'Allah Azza wa Jal. Chose qui te frappe, ne t'aurait en aucun cas épargné. Et chose qui t'épargne dans la vie de ce vagabond, parce qu'Allah Azza wa Jal l'a décrété ainsi, ne te touchera jamais. أسأل الله العلي القدير والمستطير أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، ومما يخفف الابتلاء أن تعرف أن الذي أصابك إنما هو قليل بالنسبة لما أعطاك الله عز وجل. ماذا فقدت من أصابعك؟ هل فقدت أصبعا؟ لقد أبقى الله عددا كبيرا غيرها، فكيف إذا كانت أصابعك كلها موجودة وسليمة ولله الحمد؟ هل فقدت قدمك أو جزءا منها معك قدم أخرى ولله الحمد؟ فكيف بالذي قدماه سليمتان يمشي بهما بكل يسر، عيناه، أذناه، لسانه، شفتاه، اللهم لا نحصي ثناء عليك، اللهم لا نحصي ثناء عليك. وبشرى وبشرى لكل من ابتلي بمال أو هم أو غم أو كرب أو سائر أسباب الابتلاء، بشرى له إن هو صبر وصابر بأنه سيلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. يا لله من جائزة عظيمة. ويا له من سلوان ينزل على قلب المصاب بردا وسلاما. عباد الله طويل شوقي بس personnalité de l'épreuve, c'est que tu dois te rappeler que cette chose à travers laquelle tu es éprouvé, qu'est-ce qu'elle représente dans ta vie quotidienne? C'est Allah Azza wa Jalla t'a éprouvé dans un doigt et t'a accordé d'autres. C'est t'a éprouvé dans ton pied et t'a accordé d'autres. C'est t'a éprouvé dans ton corps, dans une partie de ton corps. Rappelle-toi que le reste, elle est sain, elle est sauf, elle est en bonne santé, que du temps de ceux qui ne sont pas éprouvés dans leur santé, qui ne sont pas éprouvés dans leur bien, qui ne sont pas éprouvés dans leur famille. Ceux-là doivent matin et soir remercier, louer Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on se rappelle que la moindre épreuve dans la vie du Sobamon, Allah Azza wa Jal nous a garanti le jour de la résurrection à condition. À condition qu'on fasse épreuve, ou qu'on fasse plutôt preuve de patience dans la vie de ce monde, Allah subhanahu wa ta'ala s'est engagé à nous pardonner nos péchés. Donc pour l'ensemble des épreuves, et Allah est témoin, on est tous éprouvés. Mais la différence, c'est qu'il y a ceux qui patientent, ceux qui sont moins patients, et d'autres qui malheureusement perdent leur patience et finissent par s'attacher à d'autres choses qui nuisent à leur foi et qui font que leur foi dans le qadar et dans le qadar, dans le destin, dans son bien et dans son mal, finit par s'affaiblir, si ce n'est se perdre. De l'intérêt, mes chers frères, de se rappeler. Prenez le cas de Ayyub alayhi salatu wassalam. Dakar Allah azza wa jalla qissatahu fil Qur'an. Ayyub alayhi salam ibtuli. Marid alayhi salatu wassalam 18 sana. Wahuwa marid. Hatta sara muq'adan. La yastati'u al-haraka. Lam yabqa yataharraku minhu illa lisanu. صار مقعد النبي من أنبياء الله عز وجل من أصفياء الله جل وعلا الذي قال عنه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أدبا مع ربه صبر فقال يا رب اشفني يا رب شافني يا ربي عافني. صبر 18 سنة زوجه تقول أنت نبي اسأل الله عز وجل الشفاء يؤتيك إياه. قال والله لا أسأل ما أسأل ما أجرؤ أن أسأل الله أن يشافيني. ولما لم يبق إلا لسانه يتحرك أدبا مع الله عز وجل قال ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أي افعل ما شئت. أحببت أن أبقى على هذا الحال فقلت. أحببت أن تكرمني بشفائك عجل الشفاء. فما كان من الله عز وجل إلا أن عجل بشفائه. Donnez l'exemple de Ayyub عليه الصلاة والسلام qui était un des prophètes parmi les prophètes d'Allah عز وجل. Tombé malade pendant 18 ans. Au point qu'il était paralysé complètement. Il n'y avait plus que sa langue qui bougeait. Son épouse lui disait, invoque, implore ton Seigneur, et t'accordera la guérison tout de suite. Il lui dit non. Par pudeur, je ne le sollicite pas. Je ne lui demande pas. Je sais que c'est mon épreuve. Jusqu'au point où il n'y avait que sa langue qui bougeait. Et là, il a dit, ah, je suis frappé par un mal. Et tu es le grand miséricordieux. Il ne l'a pas sollicité directement, il ne lui a pas dit, par politesse, par Puis deux, il ne va pas dire Allah accorde-moi sa guérison. Tu seras celle d'une maladie et tu es le grand miséricordieux. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux m'accorder ta guérison? Biha wa ni'ma. Tu veux que je continue dans cette voie en étant éprouvé par la maladie? Dieu l'accepte pour Allah al-Qawajan. C'est la différence quand on a la foi en Allah al-Qawajan. Quand on a la foi, on patiente. Et on sait que cette patience, Allah Azzawajal nous récompensera le jour de la rédaction en l'accordant comme des hasanats le jour de la rédaction. فأسأل الله العلي القدير ولكم التوفيق ويجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون الكثير من الإخوة يسألونكم الدعاء هل منهم المريض ومنهم المبتلى فنسأل الله عز وجل أن يعجل بفرجهم اللهم فرج همومهم وأذهب همومهم وأذهب همهم واشف مرضاهم واقض حوائجهم ورد غائبهم بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين اللهم من كان منا مريضا فاشفه ومن كان منا ميتا فارحم ومن كان منا مبتلا فاقض حوائجه بما شئت وكيف ما شئت بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان